Un jour, je fus parmi les vainqueurs. J'étouffais. Je sentais à quel point vaincre est impitoyable. Je pris la fuite. Un roc, une plage de sable m'accueillirent. La mort vint me parler. Proscrit, me dit-elle. Salut. Et quelqu'un me sourit. Quelqu'un de grand qui rêve en moi. Ma conscience. Et j'aimais les enfants, ne voyant que l'enfance, au ciel mystérieux, qui valut mieux que moi. L'enfant, c'est de l'amour et de la bonne foi. Le seul être qui soit dans cette sombre vie, petit avec grandeur, puisqu'il l'est sans envie, c'est l'enfant. C'est pourquoi j'aime ces passereaux. Pourtant, ces myrmidons, je les rêve héros. France, j'attends qu'ils soient au devoir saisissable. Dès que nos fils sont grands, je les sens responsables. Je cesse de sourire et je me dis qu'il faut livrer une bataille immense à l'échafaud, au trône, au sceptre, au glaive, au louvre, au repère. Je suis tendre aux petits, mais rude pour les pères. Je ne vois pas pourquoi l'on n'égalerait pas dans l'audace, l'effort, l'espoir, dans le trépas, les hommes d'Iéna, d'Ulme et des pyramides. Les vaillants ont-ils donc engendré les timides? Non, vous avez du sang aux veines, jeunes gens. Nos aïeux ont été des héros outrageants pour le vieux monde infâme. Il reste de la place dans l'avenir. Soyez peuple et non populace. Soyez comme eux, géants. Je n'ai pas de raison pour ne point souhaiter les mêmes horizons, les mêmes nations en chantant délivrées, le même arrachement des fers et délivrés, et la même grandeur sans tache et sans remords à nos enfants vivants qu'à nos ancêtres morts.